بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال ابن عمر وإن رآها الناس حسنا أيها الناس علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا فإن نعمه علينا كثيرة وأن آلاءه المتوالية علينا تترى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار مفخرسا Et nous avons de loi Allah subhanahu wa ta'ala de ses multiples et nombreux bienfaits qui nous gratifient nuit et jour. Ces bienfaits dont il est impossible de dénombrer. Ces bienfaits dont même le soucieux ne pourra jamais véritablement remercier. Il a été dit dans le verset précédemment cité, et si vous comptez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne saurez les dénombrer. Ayyuha an-nas, il y a en plus du conditionnement de la foi qu'il y a dans le remerciement, un bon exemple à suivre. Louer et remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est emprunter la voie des élus parmi les messagers. Qala jalla wa ala, عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم سيخ إبراهيم في semblable dans l'adoration à une communauté obéissant et dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala il ne fut des noms des mushrikin il était reconnaissant pour le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'avons élu et guidé vers un chemin droit. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا عن نبي نوح عليه الصلاة والسلام وقد سماك الله عبدا شكورا متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن نفسه بعد أن من الله عليه بغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر أفلا أكون عبدا شكورا أَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il lui fut pardonné tous ses péchés, il dit, lorsque Aïcha, radiallahu anha, vu sa dévotion pour Allah subhanahu wa ta'ala se multiplier, est-ce pour autant que je ne dois pas être reconnaissant ? Ces preuves et autres ne sont citées que dans le but qu'on s'identifie à ce noble caractère, à ces éminents et grands messagers, alayhi salatu wa sallam, ainsi que ceux qui les ont suivis, parmi les salafs, wa imatuddin, parmi les hommes qui se sont évertués à saisir d'une main ferme l'étendard de la prophétie, dont leur devise fut le remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, al-shukr, shi'ar al-mu'minin, al-shukr, shi'ar al-mu'minin, le remerciement est la devise des croyants, le remerciement est la devise des mu'minin. Sachez, waffaqakum Allah wa iyana, qu'il fait partie des sunnah muttaba'ah, de consacrer un jour pour conseiller nos sœurs, pour exhorter celles qui donneront naissance aux générations futures. Car le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, en plus de leur avoir consacré un jour particulier, il nous a certes recommandé d'être bienveillants envers elles. Chose qu'il répéta, afin d'accentuer le droit qu'ont nos sœurs sur nous. Fa'an Abi Huraira, radiallahu ta'ala anhu, anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sahihayn, الذين هما أصح الكتب المصنفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا Istawsu bin nisa'i khayra. Soyez à l'égard, soyez bienveillants à l'égard des femmes. Soyez bienveillants à l'égard des femmes. Hakaza. Yukarrihu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a répété beaucoup de fois cette chose-là, cette recommandation. La bienveillance envers nos sœurs passe par le biais de les conseiller. La bienveillance envers nos sœurs passe par le biais de les instruire. La bienveillance envers nos sœurs exige de ne pas négliger le droit qu'elles ont envers nous. Car Nabi Shurayh al-Khuzai, radiallahu ta'anhu, عند الإمام النسائي وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أحرج إليك حق الضعيفين اللهم إني أحرج إليك حق الضعيفين اليتيم والمرأة اللهم je te prends à témoin et je mets sévèrement en garde ceux qui privent de leurs droits les deux êtres faibles qui sont l'orphelin et la femme. Donc si nos sœurs nous demandent un conseil, si nos sœurs nous demandent le conseil, on doit y répondre. Car c'est un droit qu'elles ont envers nous. Wa fi sahih al-imam muslim, an Abi Huraira, radiallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, haqqul muslim ala al-muslim khams, wa fi riwayatin sitt, wa minha idha stansaha fansahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans ce hadith rapporté par l'imam muslim, dans ce hadith, il nous informe qu'il fait partie des droits qu'ont les musulmans les uns envers les autres de répondre au conseil selon la mesure du possible lorsqu'il t'est demandé. De répondre au conseil lorsqu'il t'est demandé. Donc il fait partie du roche, de la tromperie envers nos sœurs musulmanes de les livrer à elles-mêmes lorsqu'elles nous demandent le conseil. Tout comme c'est un roche et une négligence du droit qu'elles ont envers nous lorsqu'elles sont dans l'insouciance de ne pas se préoccuper de leur sort ou d'y rester indifférent. Donc il nous accompagne, Mashara Ahl al-Sunnah, de ne pas négliger ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a sévèrement mis en garde, comme dans le hadith qui a été précédemment cité. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam innahu lam yakun nabiyyun qabli. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam montre son dévouement et son attachement pour sa communauté. Et ça rentre dans les phares. Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yunzirhum sharra ma ya'lamuhu lahum. Rawahu Muslim. Il nous dit dans ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah, qu'il n'est de prophète m'ayant précédé sans qu'il fût de son devoir d'orienter sa communauté vers le bien qu'il connaît pour eux et qu'il les avertisse du mal qu'il appréhende pour eux. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, inshallah, en ce jour, en ce jeudi, Yom al-Khamis, dans lequel nos œuvres montent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui être exposées. Et rien de plus réjouissant de se rapprocher en ce jour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par la meilleure et plus aimée des paroles, الدعوة إلى الله لله على الدول الكتاب والسنة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Et qui profère une meilleure parole que celui qui appelle vers Allah عز وجل et œuvre par piété et dit je fais partie du nombre des soumis وأنا من المسلمين. Quant au discours d'aujourd'hui, qui est pour ma part un déchargement, inshallah, d'une responsabilité et un rappel pour moi, ainsi qu'à, inshallah, aux auditeurs, aux personnes présentes, waffaqahum Allah, tournera autour du cinquième verset de Surat Ibrahim, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Et nous avons certes envoyé Moussa, alayhi salatu wassalam, avec nos miracles, en lui disant « Extrais ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur le jour d'Allah azawajal. Car il y a dans cela des signes pour les endurants et les reconnaissants. Il y a dans cela des signes pour les endurants et les reconnaissants. » Moussa, alayhi salatu wassalam, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait grâce de grands miracles, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait grâce de la lumière de la prophétie, la Torah, dans laquelle il est guidé afin d'extraire sa communauté des ténèbres du shirk vers la lumière du tawhid, des ténèbres de l'injustice vers la lumière de la justice, en parfaisant ses rappels, en les rappelant des jours dans lesquels ils furent ou ils vécurent auparavant, afin qu'ils remercient Allah azza wa jal de l'aisance après la difficulté, de la paix et la sécurité après la peur et la tyrannie. Il y a là dans le fait de se rappeler des jours passés et des récits des communautés nous ayant précédés un signe, un profit et une patience pour les endurants et une faveur pour ceux qui sont épargnés afin de remercier Allah Azzawajal. Ya al-Ukht al-Karima, tu as là, dans le fait de te rappeler des jours passés et dans le récit des communautés t'ayant précédé, un signe évident te prouvant ta dignité et l'honneur dans lequel où tu es. Tu as là une mesure te permettant de joindre les complots qui te sont directement adressés aux égarements de l'ère de la Jahiliyyah. Tu as là, na'am, un moyen de te préserver du mal des kuffars, des innovateurs qui veulent te faire retourner dans l'ère de la Jahiliyyah en employant pour cela des belles paroles, en te faisant miroiter des fausses ambitions. Ta dignité, ma sœur, ta seule dignité est auprès d'Allah Azzawajal. Rechercher la dignité, l'honneur en dehors d'Allah Azzawajal, c'est infliger l'humiliation et le déshonneur continuel dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ayabtaghuna 'indahum al-'izza fa innal 'izzata lillahi jami'a. Recherche-t-il la dignité auprès d'eux, yani des kuffar et des munafiqin, alors que la dignité appartient entièrement à Allah Azzawajal. Wa qala jalla wa 'ala wa lillahi al-'izza wa li rasulihi wa lil mu'minin. Et à Allah subhanahu wa ta'ala appartient la dignité ainsi qu'à son messager et aux croyants. Et le déshonneur revient à Shaitan, ses apôtres, les kuffars et ceux qui se sont identifiés à eux, ainsi qu'à ceux qui ne se seront pas prémunis de tomber dans leur complot. Fatadhakkari bi ayyamillah, fatadhakkari bi ayyamillah azza wa jalla. Rappelle-toi des jours passés. Rappelle-toi de l'ère de la jahiliya dans lequel vivaient les femmes auparavant. Car il y a dans ces récits-là un signe évident te prouvant l'honneur et la dignité dans lequel tu es, et te faisant considérer le bienfait dans lequel tu es, te faisant constater la ni'ma dans laquelle tu es afin de ne pas la mépriser. Wa fi sahihayn an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala anzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaykum. Tous ces hadiths authentiques rapportés par l'imamain selon Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. Il nous dit, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, observez l'état des personnes étant inférieures à vous. Et n'observez pas l'état de ceux qui sont supérieurs à vous. Car cela est plus digne à ce que vous ne méprisez pas le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Rappelle-toi, na'am, de l'état des femmes de la jahiliya et reconnais le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'est honoré par l'islam. Et épargnez al-jahiliya ou l'al-uzma al-umya. Les femmes telles que toi, ayyatuha al-ukht al-karima, dans l'ère de la jahiliya, n'avaient pas le droit de vivre. Les femmes telles que toi, ayyatuha al-ukht al-karima, dans l'ère de la jahiliya, n'avaient pas le droit de vivre. Les femmes telles que toi, dû au simple fait qu'elles soient du sexe féminin, étaient enterrées vivantes sous terre. Qala jalla wa ala, wa idha al-maw'udatu su'ilat, bi ayyi dhanbin qutilat. Et lorsqu'on demandera à la fillette enterrée vivante, pour quel péché a-t-elle été tuée? Pour rien, parce que c'est une fille. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha ushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara min al-qawm min su'i ma bushira bih ayumsikuhu 'ala hunin aw yadussuhu fi at-turab ala sa'a ma yahkumun. Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux qu'il a une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé, une fille. Doit-il la garder malgré la honte, yani la honte des gens et le regard des gens, ou l'enfuir sur la terre vivante? Combien est malheureux et combien est mauvais leur jugement. Wa qala Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة وتمخضت على رأسها فإن ولدت جارية رميت بها في الحفرة وردت التراب عليها وإن ولدت غلاما حبست. Regardez le zulm. Dans l'époque de la Jahiliya, il nous dit Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, dans l'époque de la Jahiliya, des trous étaient creusés pour les femmes lorsqu'elles ressentaient les douleurs de l'accouchement. Si elles avaient le malheur d'accoucher une fille, il a jeté elle et sa fille dans les trous pour les enterrer vivantes. Il a jeté elle et sa fille pour les naham dans un trou pour les enterrer vivantes. Et si elle donnait naissance à un garçon, alors grâce et lui est accordée. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puis l'islam est venu, wa lillahi alhamd, pour mettre un terme à ses conduites et ses mœurs, et elle est tout à fait débile. Pour élever Kadhalika le rang de la femme et lui redonner l'honneur et la dignité qui lui revient. Dans le Sahih al-Imam Muslim, an Anas ibn Malik رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من عال جارية حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم بين أصابعه. Le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith authentique rapporté par l'imam muslim selon Anas ibn Malik رضي الله تعالى عنه nous dit, le prophète صلى الله عليه وسلم dit, celui qui prend sous sa charge deux fillettes jusqu'à ce qu'elles atteignent la puberté sera avec moi yawm al-qiyama comme ses deux doigts. Puis il joint entre ses doigts. Compare ces deux époques. Vois dans quelle infériorité vivaient les femmes auparavant. Après avoir été piétinées. Après avoir été enterrées vivantes. Après qu'elle fût un synonyme de honte. Les voilà par l'islam être une garantie non seulement d'entrer au paradis, mais d'y être à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Firdaws al-A'la, comme l'index l'est pour le majeur. Dans l'époque de la Jahiliya, la femme servante n'était qu'un objet lucratif, une prostituée forcée à arrondir les fins de mois de son maître. Wal'iyadu billah. Puis, alhamdulillah, l'islam est venu pour mettre terme à cela et redonner la dignité et l'honneur à la femme, même si cette dernière n'est qu'une servante. قال الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. Et ne forcez pas vos servantes à la prostitution, comme cela fut le cas d'Abdullah ibn Ubay ibn Sulul, la tête des munafiqin alayhi min Allah ma yastahiq, qui dans la jahiliya forçait ses servantes à la prostitution et disait prostitue-toi pour moi. Et cela a été rapporté par l'imam Muslim et d'autres rahmatullah alayhi. Puis l'islam est venu pour abolir cela et redonner l'honneur et la dignité à celles qui furent enterrées vivantes, aux servantes forcées à la prostitution, en faisant d'elles la moitié du dîn et l'équilibre par lequel se stabilise la vie du croyant et le préserve de la turpitude. Et faire un Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam aqal, إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين وليتق الله في النصف الباقي. صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit dans ce hadith authentifié par l'imam al-Albani رحمه الله تعالى, le mariage complète la moitié du din, reste au serviteur de craindre Allah عز وجل par l'autre moitié ou pour l'autre moitié. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم lorsqu'il fut informé, comme cela est rapporté par l'imam muslim, qu'une servante a été battue, il a ordonné immédiatement sur le champ qu'elle soit affranchie. Dans la jahiliya, ces femmes étaient confrontées à un dur esclavage. L'une d'entre elles ne concevait peut-être jamais qu'elle pourrait peut-être un jour devenir une femme affranchie. Puis l'islam, alhamdulillah, est venu pour mettre un terme à cela et a fait de la simple gifle donnée à la servante, qui est très grand auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elle rabaisse l'honneur et la dignité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa faveur, lui a gratifié, n'a pour faire de ses servantes battues, des femmes libérées. كانت المرأة في الجاهلية, les femmes dans l'ère de la jahiliya avaient pour habitude, ونسأل الله سبحانه وتعالى الستر والعف, de tourner le corps nu autour de la Kaaba. عزكم الله, la qibla des musulmans, l'endroit sur terre le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cet endroit qui est sacré auprès des croyants était pris dans l'ère de la jahiliya comme chose dérisoire par ces femmes de la jahiliya qui prétendaient par leur turpitude que ceci était un acte de piété qui était approuvé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala uluwan kabira. كانت تقول إحداهن الفاسقة اليوم يبدو بعده أو كله وما يبدو منه فلا أحله. Elle disait, pendant qu'elle tourne autour de la Kaaba tout nue, la Kaaba qui est cet endroit sacré, et bien aimé auprès d'Allah Azzawajal, aujourd'hui, une partie ou la totalité de mon corps apparaît. Mais ce qu'il en apparaît, il n'est pas ici. Hakada kanat al-mar'atu fil jahiliya. Ce shaytana se croyait pieuse, se croyait honorée, se croyait digne en prononçant ses futilités, ses poèmes qui n'ont aucune considération. Puis l'islam, alhamdulillah, est venu pour remettre un terme à cela et en redonnant à l'année sacré ce qui est digne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et honoré, en ordonnant les femmes et les hommes de se vêtir de leur parure dans les lieux sacrés, dans les demeures Les bien-aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme قال جل وعلا, يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم, vêtissez-vous de vos parures dans chaque lieu de prière. Et voyez comme Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset employé le mot parure. خذوا زينتكم, vêtissez-vous de vos parures. Il n'a pas dit خذوا ثيابكم, vêtissez-vous de vos vêtements, mais il a employé un terme à travers lequel on ressent qu'il y a un honneur, une dignité qui est réservée pour toute personne, qu'il soit musulman ou muslima, lorsqu'il s'en vêtit. Et les exemples des mœurs et des conduites de l'ère de la jahiliya sont très nombreuses. On ne va pas s'étaler dessus. Il y a dans chacun d'entre eux, pour chaque musulman et muslima, un signe évident du déshonneur dans lequel vivaient les gens auparavant. Et même du bienfait qu'est cette conservation, l'islam, qui conserve pour nous nos honneurs et nos dignités. Wa sadaqa al-qail idh qala ad-didd yudhhiru husnahu ad-didd wa bididdha tatabayyanu al-ashya'. L'opposé montre le bon côté de l'opposé. Et c'est par les opposés que s'éclaircissent les choses. Tel est le cas de la jahiliya et l'islam. Tel est le cas de la jahiliyati et wa l'islam. Le déshonneur qu'il a dans Naam ses mœurs, et dans les mœurs de la jahiliya ses conduites, t'expose le bon côté de l'islam, sa dignité et son honneur. Donc il incombe à toute personne ayant agréé comme religion l'islam, radiya bil islam dina, qu'il se suffise de l'islam. Car il y a dans l'islam une part suffisante conservant l'honneur et la dignité de celui qui s'y cramponne. Qala subhanahu wa ta'ala, awalam yakfihim anna anzalna alayka kitaban yutla alayhim. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. N'y a-t-il pas dans le livre que nous avons descendu sur toi, ya Muhammad, qui l'aurait récité, n'y a-t-il pas dans cela une suffisance? Il y a certes là une miséricorde et un rappel pour les croyants. Donc il en va de soi, ayatuha al-ukht al-karima, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ait honoré par l'islam, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait rendu naam, la dignité et l'honneur aux femmes, que tu vends ta dignité et ton honneur à vil prix. Il n'en va pas de soi à une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié de l'islam et l'a honoré par l'islam, qu'il vende à un vil prix cet honneur et cette dignité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, en s'identifiant aux personnes dans les mœurs et les conduites sont tout à fait comparable et identique à celle de la jahiliyyat al-oula. Ces personnes dont les intentions n'est que d'ôter l'honneur et la dignité de la femme musulmane en la ramenant au plus bas des niveaux, fi asfali as-safilin. Ce droit de la femme vers lequel al-kuffar t'appelle te mèneront tout droit, si jamais tu les écoutes, vers le déshonneur et t'affligeront l'humiliation dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Le modèle qui prétend qu'il t'est plus approprié et celle de la postiche qui pose à moitié nue, elle est pour un vil prix, pour une montre, pour une seyyara, pour une voiture. La femme, elle est devenue un objet matériel. Comme si jamais c'était, il y a un lit de la viande pour eux. Ils n'ont aucun honneur pour la femme, ils préservent aucune dignité de la femme. Le modèle vers celui, il y a un lit qu'ils appellent, et que, il y a un lit, tu te mélanges aux hommes, ou que tu deviens une personne semblable à l'homme, qui fait comme l'homme, qui vote comme l'homme, qui peut même devenir un gouverneur comme l'homme. Wa rabbika al-a'la yaqul. La femme n'est pas identique à l'homme. La femme n'est pas identique à l'homme. Donc reste chez toi. Ne les fréquente pas. Ne leur adresse pas la parole. Et surtout ne leur ouvre pas ta porte. Et restez dans vos demeures. Car elles sont une préservation pour vous. Car elles sont bien meilleures pour vous. Comme a dit l'imam Ibn Kathir et l'imam Sa'di, rahmatullahi alayhima. Et ne laissez ni leur idéologie et ni leur pensée pénétrer chez vous par les intermédiaires de la télévision, par les intermédiaires comme la radio ou le net, les journaux et autres. Fermez la porte à ces koufars. Ne laissez pas détruire vos foyers. Sache, ma sœur, que tu es dans la ligne de mire de ces koufars. Car s'ils te pervertissent, ils ont certes perverti par cela et ton foyer. Ta descendance, qui est la génération de demain, ceux qui seront amenés à transmettre al-kitab wa sunnah. Donc ferme ta porte. Prends garde à toi et à tes enfants. Intabihi, vous êtes les mères de demain. Antum ummahat al-ghad, vous êtes les mères de demain. Qui hormis vous, yani, sont les mères de demain, la génération des musulmans? Antum, donc instruisez-vous, conservez la fraternité entre vous, entraidez-vous, yani, entre vous, préservez votre religion en fuyant les domiciles des koufars, des mécréants.